Les institutions internationales ont conféré le prix et la médaille au savant coréen. L'Union postale universelle a remis à la Corée le prix de qualité de service pour son service postal excellent dans les zones rurales, alors que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la médaille d'invention, au savant à l'Académie nationale des sciences pour avoir mis au point l'activant biologique naturel, engrais organiques partant des matières végétales.